africaine na lingi atika kota misanga moko kote abangelue de noix de yo yo oh oh oh na la la lia go mawa oh ise ro mon mama na la beleli awa kaka boye oh te okana kinga na yo mama se mariage o pete na mozabi nanda kwa nzambe ona nda kwa nzambe be malangwa. Tu connais Guino très bien, chérie. Tu connais Guino bien. On est comme si c'est à boy. Et comme si c'est à Kosambi sans auto. Oh, oh, oh. La la la la la la. Ise yo, mwana mama Kaila. Mwana pere li amba. Petit bébé, oh, rôle de Miguel. Likambo, oh, y'a un abakoutou. Nakoutou na zanga maloba. Na lelaka na mélodie. PDG, PDG. Yoka, kolela, y'a moi na moto. Na leli, oh, na la leli, oh. Boni, oh, kosala, papa, boye, oh, soulouka. Na leli, oh, mana mama, oh. Chérie Bakoutou Zoua. Nalingi otika kota mbizanga moto. Toye maleluya mapata nzambe mazibwama. Mapungola bolingo na biso nzela rapato kwela nangana yo. Mwana papa Bakoutou. Yo fame noa bakutu, fama africana. Na lingi otika kota mbizanga moto. Kote abangelue, ese keli malonga. Kote naturele, oh. Mwana mama. Tim Gaka chante. Tiens, la chante. Chérie Bakoutou Zouaé. Zoua. Chérie Bakoutou Mpassi. Mpassi, hein, maman. Chérie Bakoutou Zouaé. Zoua. Nga mwana na kati na kolela. Nga mwana na kati na kobele na mama. Nga mwana na kati na konzemba. Nga mwana na kati na kolela. Nazwa yo e pai wapie mbo bakutu mama nalingi yo sala bakutu tika kosala kasambla o sala na tika lina mawa na komi lokola mwane tike. Sinote, bona côté à côté fondeur, c'est un peu de beba quoi. Beba, dernier funda quoi. Ah, t'es Betuana. Non, t'es l'ombola kaye. Ah, y'a Benz. Faut qu'on y soit fanatique, n'a plus et vunda et loko nini. Et vunda zali beauté à moi si, qui toko à moi si. Ah, bakoto, moi si qui toko. Tuna, tuna, tuna mote mananga. Tuna, tuna, tuna mole mananga. Oh, oh, beje nanga. Eh, hey, hey, eh, Angela Adonanga. Zelanyo sona kotambo la bako tuna wapi santa wapi dina ubaka na leli mandolina e ngala leli o talanga na koni zoto shiri talanga na baby zoto mama. Je vous capte 5-6-5. Ok, ok, ok, ok. Herter vous donne l'air exact. Il est 35 minutes depuis qu'il est 21h. Vous pouvez arranger vos tango s'il vous plaît. Au studio, VV, mobile, VV. Oui, piste. N'a pas tout dans le même guité quoi. Paul Gola. Bolingwango. Bah tout tout bah tu vas y vivre. Et ça le son a dit n'était pas bomba. Bon, bolingo bomba, sur le coup de ma casse, il n'y a que ça gamboka. Bolingo y'en a naie. Et pendant qui na, pendant qu'il casse ah on a saisi mon bill bébé. Na libana kaka y'a là. Na moni kaka petite dans les canis. Na dit ah, ma petite a carte mon boulot. Na lundi petite. La tienne petite litoy, la présence il y a bien masé par là qui on a signé les. Azala qui n'a qu'à studio, bah on bibi PDG Azala qui on a. Il y a des noix de pays Azala qui. Bah lui petit, moi la moi si on a moi si ça passe. RTL. Pour l'année là RTL. L'année là litoy a âge n'a été. RTL. Mais au bon sali, oncle maneno, il y a Azala qui témoin. Ouais ouais ouais ouais. Azala qui mon boulot mon colonna, pagaï. Petite. Azuli toi en boule en a été petit à quoi? Tu parles qu'une petite? A Jédika. Na côté bar. Na 1, 2, 3, maman Kouloutou. Partout. Tina Congo, Tokomaki. Petite Salindengue, Nyoso. Na l'air moko. Petite à Monica Parisien va débarquer. Petite à Tengami. Ah! Oh. Ma petite à qui n'est pas niveau Sarah Boyko. Ce que mon ingénieur dit, il faut comprendre. Bon, les gamins petits, le col au tenga minayo, on a bien comment on a vendu. La langue star, c'est Yachou. Le col au tenga mi, on a bien tenga mi carrément. Musique à la langue star, quoi y a à goûter. Ça va. Ah, si tu es là, tu es là, tu es là. Chérie, na yezo baro, maman, hey, na zi trouble. Kitoko na yo epe ki sanga na linga basusu. Ole isanga nini ye bona landa kayo. Zuanga moumbu ya bolingo nandimi. Mba ye bisanga yo pusa konyo kolo babaliye. O sili sanga, vwema posa ya kofole. Ngana koma kokondo kondo basusi. Mama, zuanga tabo yandako, natalaka kitoko na yo. Yo fame noa bakutu, fama afrika.